France Inter, franceinter.com. On ne cesse de parler d'elles, mais qui sont-elles exactement? Je veux parler des FARC qui font tous les jours l'actualité. Ces forces armées révolutionnaires de Colombie qui, malgré un récent petit espoir, détiennent toujours un millier d'otages, dont le plus célèbre est la franco-colombienne Ingrid Betancourt, retenue quelque part dans la jungle depuis février 2002. Cette guérilla, l'une des plus anciennes au monde, est aussi dirigée par le plus vieux guérillero, Marulanda, bientôt 80 ans. De son vrai nom, Pedro Antonio Marin, Marulanda répond aussi au sobriquet de Tiro Fijo, tir au but, parce qu'autrefois, il aurait tué un policier à 500 mètres de distance. D'inspiration marxiste, les FARC regroupent à peu près 15 000 combattants, dont une moitié de femmes, et sont présentes sur plus d'un tiers de la Colombie, essentiellement au sud du pays. Riches, grâce au trafic de drogue et à l'industrie de l'enlèvement, les FARC tiennent tête à l'armée colombienne, aux paramilitaires et aussi aux forces états-uniennes chargées en principe d'éradiquer les cultures de coca. Mais que veulent-elles exactement ? Combattent-elles encore pour s'emparer un jour du pouvoir? Protègent-elles toujours les plus pauvres ou se contentent-elles d'exister et de se livrer à un fructueux trafic de drogue? Bref, ces militants sont-ils des Robins des Bois ou des mafieux? À moins que la vérité ne se trouve à mi-chemin. Ce sont quelques-unes des questions que j'ai posées à M. X. Me hablen de penas ni sentimientos. Yo quiero vivir mi vida. Ce que je vais vous dire n'est pas marqué par le sceau de l'originalité, mais enfin tant pis. La Colombie est un pays paradoxal. Qu'est-ce qu'il veut dire? La violence n'est pas seulement celle des FARC qui est chronique. On y compte chaque année des milliers de meurtres. Et pourtant, la Colombie connaît une relative croissance économique. Autre paradoxe, les inégalités sociales y sont parmi les plus importantes de l'Amérique latine. Mais le pays reste une démocratie et n'a subi qu'un seul coup d'État militaire. Dans une région où les pronunciamentos ne se comptent plus. À l'envers de la médaille, les membres des deux partis politiques, les libéraux et les conservateurs, se sont souvent affrontés les armes à la main. Enfin, il faudrait parler de la géographie aussi. La Colombie est fragmentée et regroupe des territoires très différents. Un seul exemple. Il n'y a rien de commun entre la riche Caraïbe, peuplée de noirs et de mulâtres, et la région andine, creusée de vallées difficiles d'accès. Ou encore la zone pacifique, dont la mise en valeur pose de nombreux problèmes. Et longtemps, ce puzzle géographique a permis l'émergence de fiefs isolés et quasi autonomes. Dirigés par de petits chefs. Évidemment. Et aujourd'hui, ils ont été remplacés par des narcotrafiquants ou des paramilitaires. Et puis il y a les FARC. Qui règnent sans partage dans les régions qu'elles contrôlent. Oui. Mais pour bien comprendre, il faut peut-être faire un retour en arrière. Bon, rassurez-vous, je n'irai pas trop loin. Au début du XXe siècle, après une terrible guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts, la vie politique reprend de façon traditionnelle. Et on assiste à l'alternance au pouvoir des libéraux et des conservateurs dans un climat apaisé. Mais qu'est-ce qui les sépare, là, ces deux partis? La volonté ou pas de faire des réformes, et puis aussi les rapports avec l'Église. Les libéraux étant bien sûr plutôt anticléricaux. Mais il faut noter que les dirigeants des deux partis appartiennent à l'élite du pays, c'est-à-dire la grande bourgeoisie qui fait la pluie et le beau temps. En 1930, ce sont les libéraux qui gagnent les élections, mais ils se divisent. Et pourquoi, non? Parce que l'un des leurs, Jorge Eliezer Gaitan, monte en puissance. Très charismatique, ce brillant orateur veut entraîner son parti et son pays vers la gauche et engager de profondes réformes pour venir en aide aux populations les plus pauvres, essentiellement paysannes. L'élection présidentielle doit avoir lieu en 1950. Et déjà, la victoire de Gaitan semble assurée. Mais en 1948... il est assassiné en plein centre de Bogota. Un événement qui provoque aussitôt la colère de la population de la capitale, qui est pratiquement détruite par les incendies. C'est ainsi que commence une période que les Colombiens vont eux-mêmes appeler la violencia. La violence, quoi. 5 années d'horreur, qui provoquent la mort de 300 000 personnes. Alors ça, c'est une véritable guerre civile, alors. Mais qui est opposé à qui? Les conservateurs les plus fanatiques aux libéraux, partisans de Gaitán. Le pouvoir est alors détenu par un conservateur, un admirateur d'Hitler, un politicien intransigeant qui ordonne aux forces de l'ordre d'exterminer les tenants de la subversion. On torture, on mutine, on égorge. Une telle sauvagerie généralisée est assez inimaginable. L'Église elle-même est entraînée dans ce climat d'extrême violence et on entend certains prêtres lancer en chaire des appels à la guerre sainte. La guerre sainte. Et d'autre côté, on réplique? Naturellement. Se créent des milices et des guérillas qui, sous prétexte de protéger la population, répondent aux exactions des conservateurs par d'autres exactions. Et cette violencia, là, se termine donc vers 1953, si j'ai bien compris. Sa phase la plus sanglante, du moins. Grâce, si je puis dire, à un général qui accède au pouvoir. Mais tenté par une carrière de dictateur, il sera lui-même chassé en 1958 par des militaires plus démocrates. Toutefois, pendant toutes ces années, le feu continue à couver. C'est-à-dire que la violencia n'est pas vraiment finie. Et les hommes de main des deux camps, malgré la trêve acceptée par leur chef, continueront à guerroyer jusqu'au début 1970 dans les départements les plus éloignés de la capitale. En même temps, et c'est important pour la suite de notre histoire, le petit parti communiste colombien crée des zones d'autodéfense paysanne. Petit parti, dites-vous? Oui, cependant, ça n'empêchera pas Washington de prétendre que c'est le parti communiste qui a été à l'origine des émeutes et de leur extension. Oui, mais c'est la guerre froide. Et les Américains voient alors des communistes partout. Quoi qu'il en soit, je réponds à votre question. Le PC colombien est surtout implanté dans les zones rurales où il soutient les paysans et les ouvriers agricoles contre les grands propriétaires terriens. Et cela depuis les années 30. Mais revenons aux Américains, là, quand même. Est-ce que les États-Unis sont intervenus dans cette guerre civile? Ils ne pouvaient pas ne pas s'intéresser à ces événements dramatiques qui intervenaient dans leur précaré. Et puis un certain nombre de latifundias étaient possédés par des sociétés états-uniennes. Mais ils ont surtout fait en sorte d'aider l'armée colombienne en lui procurant du matériel et en formant ses cadres. Mais il est vrai que Parfois, son aviation a donné un coup de main aux forces conservatrices. Et c'est là où je voulais en venir. Ah ben, je vous écoute alors. En 1964, l'armée colombienne attaque l'une de ces zones d'autodéfense créées par les communistes, à Marquetalia, exactement au centre du pays. Alors que la violencia est pratiquement terminée. Oui, hein, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que des avions états-uniens sont engagés dans cette attaque. Il s'agit donc clairement d'une opération militaire anticommuniste. Effectuée dans le cadre de la guerre froide. La conséquence immédiate, c'est la création d'un mouvement de guérilla qui va donner naissance 2 ans plus tard au FARC. Avec l'accord des communistes colombiens. En effet. Les communistes qui ont d'ailleurs décidé dès 1961 d'adopter toutes les formes de lutte. Toutes les formes, ça veut dire y compris la lutte armée. C'est exact. Ouais. Oui. Même si, dans les faits, le PC n'a pas envisagé d'arriver au pouvoir par les armes. Mais c'est un peu contradictoire tout ça. Hein. Pas tant que ça. La lutte armée peut être ponctuelle et seulement utilisée à bon escient. Contre tel ou tel propriétaire terrien qui exploite outrageusement ses ouvriers, par exemple. Ouais, mais pas dans le cas d'une insurrection généralisée. C'est ça. Les communistes de Colombie ne sont pas des guévaristes. Ils se sont sagement rangés derrière le grand frère soviétique. Et à Moscou, en cette période de coexistence pacifique, on n'a pas très envie de fâcher les États-Unis en fomentant une révolution à leur porte. Ouais, d'autant qu'il y a déjà eu Cuba. Hein. Et cela, Washington ne le digérera jamais. Il y a aussi l'origine politique des dirigeants des FARC. Ils sont presque tous issus des rangs du Parti libéral. Non, ce ne sont donc pas des révolutionnaires. Et si leur discours s'est peu à peu radicalisé, c'est qu'ils ont lutté contre l'armée pendant la violencia. En tout cas, je retiens que les FARC sont par conséquent une création des communistes colombiens. Incontestablement. Et d'ailleurs, pendant assez longtemps, les FARC seront considérés comme étant le bras armé du Parti communiste. Mais plus généralement, les militants de cette guérilla sont les enfants de la violencia. Leurs principaux dirigeants ont été marqués par le déferlement d'horreur de ces années-là. Et c'est là où tout a commencé. Alors, puisque vous parlez de commencement, là, et ben, quels sont les débuts des FARC ? Oh ben, ils ne sont pas franchement étincelants et ne menacent pas du tout l'État colombien. Et d'abord parce que la guérilla dispose de moyens très modestes. Quelques armes volées lors de coups de main contre des postes de l'armée ou de la police. Et c'est tout. Le PC, qui n'est guère plus riche, les aide bien un peu, mais c'est très relatif. Alors les FARC se paient sur l'habitant, privilégiant, si j'ose dire, les propriétaires et les fonctionnaires. Une méthode qu'elles ne cesseront de perfectionner. Mais ce qui signifie ça ? Eh bien en appelant cela un impôt révolutionnaire ou retenu à la source. Les FARC en tireront une importante source de revenus dans les régions qu'elles contrôlent. Et là je m'éloigne un peu. Dans les années 70, les guérilleros, loin de songer à un soulèvement armé, s'efforcent surtout de consolider leur position et même de grignoter quelques territoires supplémentaires. Une sorte de colonisation. Il y a de ça, en effet. Parallèlement, les FARC n'hésitent pas à passer localement des accords électoraux avec des personnalités du Parti libéral. En partie pour cette raison que les FARC sont accusés par des révolutionnaires encore plus radicaux d'être des réformistes. Eux et bien entendu leurs amis du Parti communiste colombien. Et alors parce qu'il existe d'autres guérillas. Hein. Oui, enfin je n'entre pas dans le détail, ce serait peut-être trop compliqué. L'important est de savoir qu'il existe jusqu'à aujourd'hui des rivalités au sein de l'opposition révolutionnaire. Alors si les FARC ne passent pas à l'action, là, c'est pour quelle raison ? Les dirigeants sont alors des marxistes pur suc, c'est-à-dire que, selon la vulgate marxiste, les FARC attendent que le développement des forces productives permette la constitution d'une véritable classe ouvrière avant de passer au grand soir. Dans son Histoire de la Colombie, paru en 1997 chez l'Armée de Temps, Jean-Paul Minaudier consacre plusieurs pages à la violencia. Il décrit par le menu l'activité terroriste de ceux qu'on appelait les Chulavitas, souvent d'anciens policiers recrutés par les conservateurs. Je le cite. Certains Chulavitas faisaient montre d'une cruauté sans bornes. Ils torturaient interminablement leurs victimes, violaient des femmes et des enfants devant toute leur famille, etc. L'aspect le plus frappant de la violence fut l'existence de rituels sadiques, à la fois extrêmement variés et strictement codifiés, pratiqués le plus souvent, mais pas toujours, après l'assassinat par balle de la victime. Ils étaient destinés moins à faire souffrir qu'à humilier le cadavre, à rejeter symboliquement l'ennemi dans la catégorie du non-humain. Le supplicié se trouvait privé des attributs visibles de l'humanité, soit par l'ablation d'un ou plusieurs organes, soit par un bouleversement total de son apparence. Les yeux arrachés, les oreilles coupées, les castrations étaient monnaie courante. Des suppliciés furent hachés menus comme viande de cuisine. On dut les ramasser à la pelle. Certaines bandes signaient leur forfait par des types particuliers de coupes. Coupe à la guenon, la tête coupée dans les mains, à la hauteur du sexe. Coupe à la cravate, la langue ressortant par la gorge ouverte. Coupe à la fleuriste. Après décapitation, les quatre membres étaient enfoncés dans le cou à la manière d'un bouquet. Parfois, les sévices prenaient l'aspect de rites élaborés liés à tout un complexe de croyances et de superstitions. Ainsi, lorsque les assassins arrachaient le fœtus du ventre d'une femme enceinte et le remplaçaient par un coq, symbole de violence et de virilité, mais aussi bête du diable, dans une sinistre parodie de viol et de sacrilège. Pourtant, et sans doute à cause de la concurrence des autres guérillas, qui sont plutôt maoïstes ou guévaristes, comme d'autres mouvements révolutionnaires du sous-continent, les FARC évoluent et se décident à passer à des actions offensives. Des actions armées, donc. Et alors là, on est quand, là? Vers la fin des années 70. Ouais. Et parallèlement, les FARC s'implantent dans de nouvelles régions et progressent en direction des villes. Un mot d'abord sur les structures de cette guérilla, pas tout à fait comme les autres. L'organisation, très rigoureuse et pyramidale. Au sommet, il y a le secrétariat qui définit les orientations stratégiques. Puis un état-major central chargé de coordonner les actions armées dont la réalisation est confiée à ce que les FARC appellent des blocs. Appellation bizarre. Hein. Tout est un peu bizarre chez les FARC. Les blocs sont eux-mêmes composés de 5 à 8 fronts. Et chaque front regroupe plusieurs compagnies qui rassemblent chacune une cinquantaine de combattants divisés en escadrons, comptant 12 hommes, l'unité de base de la guérilla. Au fond, c'est ce que les communistes ont appelé le centralisme démocratique. Oui, il suffit de remplacer le mot escadron par cellule. Mais notez bien que cette structure très stricte explique aussi la longévité de cette guérilla. Et qui trouve-t-on au sommet de la pyramide, hein? Au secrétariat. Oui. Trois personnages, dont le chef historique et emblématique des FARC, Marulanda, qui approche de ses 80 ans. Et vit dans la clandestinité depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est à lui que Nicolas Sarkozy s'est récemment adressé à la télé pour demander la liberté d'Ingrid Betancourt. Hein. Exactement. Ouais. Malgré son âge, Marulanda demeure le chef craint et incontesté des FARC. C'est une figure quasi légendaire autour de laquelle on a édifié un véritable culte de la personnalité. Et les autres membres du secrétariat? Certains, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, est le chef militaire de l'organisation. Et puis il y a Paul Reyes, le porte-parole, dont on dit qu'il est réfugié au Venezuela voisin. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. La frontière entre les deux pays, malgré un relief souvent tourmenté, est très perméable et permet bien des échanges. Ouais, la drogue? Évidemment, et aussi des armes. Mais revenons à ces années où les FARC progressent en nombre et en influence. Les chefs de la guérilla se sont alors fixés un plan de marche. En 1982, lors de leur 7e conférence, ils se donnent 8 ans pour conquérir le pouvoir. En même temps, ils se revendiquent comme armée populaire. Leur expansion bénéficie aussi d'un climat favorable en Amérique centrale, au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua. Ont surgi d'autres guérillas qui combattent des régimes corrompus soutenus par les impérialistes. Ouais, les Américains. Bien sûr. Et pour les guerrilleros colombiens, ce sont autant d'exemples précieux également d'encouragement. Toutefois, malgré cet accroissement de la lutte armée, les FARC ne ferment pas tout à fait la porte à une négociation politique avec le pouvoir. Et c'est ce qui va se passer en 1982 sous la présidence de Belisario Betancourt. Aucun rapport avec Ingrid, hein, je crois. C'est exact. Ce Betancourt est un conservateur. Pourtant, il offre à la guérilla d'ouvrir des négociations de paix. Et comme preuve de sa bonne volonté, il promulgue une loi d'amnistie qui vaut pour les FARC, mais aussi pour une autre guérilla, le mouvement M19. Et on discute réellement? Oui. L'enjeu, c'est la transformation des guérillas en partis politiques légaux. Et qu'en pensaient les dirigeants des FARC là? A priori, ils ne sont pas opposés à cette évolution, mais ils désirent que le pouvoir s'engage à mettre en œuvre des réformes. Et d'abord, la réforme agraire. En tout cas, une trêve est intervenue, et même un cessez-le-feu. Et c'est la première fois depuis le début de la violencia, en 1948, que la Colombie connaît une paix relative. Oh, une paix très fragile. Car si les FARC acceptent le dialogue avec les autorités, le M19 reprend les armes dès 1985 et organise une spectaculaire prise d'otages au palais de justice de Bogota. Et jusqu'où alors vont les FARC dans les négociations avec le pouvoir? Très loin. Avec le Parti communiste et des militants d'autres guérillas qui veulent abandonner la lutte armée, la clandestinité, les FARC créent une nouvelle structure politique. Une structure légale, vous voulez dire? Qui prend le nom d'Union patriotique. Mais cette initiative se révélera être un vrai piège. Avant de voir cela d'un peu plus près, un mot sur une question essentielle. Les relations des FARC avec la drogue. La coca. Au début des années 80, les dirigeants marxistes des FARC sont très hostiles à la production et au trafic de drogue. Qu'est-ce que c'est, ça? Une position idéologique? Exactement. Pour eux, la consommation de drogue participe de la dégénérescence capitaliste. Mais peu à peu, ils vont changer d'avis. Ah, expliquez-moi. D'abord parce qu'ils se rendent compte que la culture du cocaïer permet aux paysans de survivre. Or, la base politique des FARC, c'est justement cette paysannerie excessivement pauvre. Alors ils essaient bien de convaincre les producteurs de renoncer à la culture de la coca au profit, par exemple, de cultures vivrières. Ouais, mais ça rapporte moins que la coca. Alors malgré les mesures de rétorsion et même les condamnations prononcées par les guérilleros, les FARC se sont résignés. D'autant plus facilement qu'elles ont aussi compris qu'il y avait là des ressources considérables pour le mouvement. Et c'est ainsi que dans les zones qu'elles contrôlent, et même au-delà, les FARC ont pris en main la culture de la coca, fixé les prix de la pâte et même parfois organisé le trafic. En empiétant alors sur le territoire des narcotrafiquants. Quelquefois, oui, et ça a donné lieu à de sévères explications. Mais généralement, des accords de collaboration et même de protection ont été trouvés. Vous savez bien que la violence nuit au commerce. Ouais. Hein. Les FARC se sont donc donnés à fond dans le trafic. Et certaines conquêtes territoriales des FARC n'ont eu pour objectif que d'élargir les zones de production et surtout d'accéder à des terres plus fertiles que les vallées montagneuses ou les militants stérés. Mais toute conquête a son revers. Les grands propriétaires et même certains puissants narcotrafiquants se sont rebellés contre cette concurrence. Et ils ont engagé des milices armées afin de protéger leurs propriétés et leur trafic. Alors ça, c'est des paramilitaires. C'est en effet là l'origine de la création de ces unités paramilitaires qui vont devenir les ennemis les plus résolus des guerrilleros. Et qui vont eux aussi devenir des narcotrafiquants. C'est une évolution presque naturelle. Comme il était presque fatal que ces paramilitaires d'extrême droite reçoivent le soutien du pouvoir colombien. À cause de leur engagement contre les FARC. Bien entendu. Ouais. Alors, après cette longue parenthèse sur la drogue, revenons à ce que vous disiez là. Ce piège qui aurait été tendu aux FARC lorsque les guérilleros ont décidé d'apparaître au grand jour. Et de créer l'Union patriotique. Eh bien c'est simple et je caricature à dessein. En gros, on leur a dit « ne craignez rien, vous pouvez sortir du bois ». Et quand ils sont effectivement sortis du bois, c'est-à-dire de la clandestinité, on les a systématiquement exécutés. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un numéro récent du Nouvel Observateur, Serge Raffy brosse ainsi le portrait du chef des FARC, je le cite. La légende prétend que Pedro Antonio Marín, fils de paysan plus connu sous le nom de Manuel Marulanda, s'est enfui dans le maquis au début des années 1950 parce que des milices du Parti conservateur avaient massacré ses cochons. L'actuel chef des FARC, selon ses biographes, a donc commencé à jouer les Che Guevara il y a bientôt près de 60 ans. Depuis, il se terre dans ses montagnes. Il prétend n'avoir jamais vu la mer ni la capitale de son pays. Son mouvement au départ d'autodéfense paysanne a été très vite mis sous la tutelle du Parti communiste colombien. Pendant des années, il a été une arme de Moscou pour déstabiliser les régimes alliés des États-Unis. Ce n'est que dans les années 80 qu'un véritable projet de prise du pouvoir central à Bogota est né. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, après avoir mené pendant 30 ans une guerre de mouvement sur le modèle Viet Cong, ont décidé de passer à la guerre de position sur le modèle de Mao. En clair, une armée prête aux grandes batailles, à découvert et ne se limitant plus seulement aux escarmouches en forêt. Je vous ai dit qu'en parlant du piège tendu aux FARC que j'ai sciemment caricaturé. Il n'empêche que si l'on regarde objectivement cette affaire, ça ressemble vraiment à un piège. Je vous explique. L'Union patriotique étant créée, des gens des FARC se sont crus autorisés à participer au processus démocratique. Et donc aux élections ? Ils se portaient candidats, oui. Un membre important des FARC, Jacobo Arenas, se présente même à l'élection présidentielle en 1986. Avec quel résultat ? Il obtient 1,4% des voix. Ah, c'est pas un franc succès, c'est ça. Vrai. Mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que les FARC sont entrés dans ce processus légal. Et d'ailleurs, si Arenas a personnellement échoué, des candidats à des élections locales ont été élus. Des sénateurs, des députés, une flopée de conseillers municipaux et au moins une vingtaine de maires. Et donc pas rien. Et cela soulève un grand espoir en Colombie, où l'émergence d'un nouveau parti mettrait fin au traditionnel et stérile affrontement entre conservateurs et libéraux. Mais des deux côtés, pouvoir et FARC, les dés sont pipés. Alors, expliquez. Certains membres de l'Union patriotique profitent de cette entrée dans la vie politique légale pour recruter de nouveaux militants des FARC, surtout dans les villes. Là où ils sont les moins présents. Ils font ce qu'on appelle chez les trotskistes de l'entrisme. Si vous voulez. Ouais. Bon, quant aux conservateurs qui détiennent alors le pouvoir, ils vont tirer à vue sur ces marxistes qui sont, comme je vous l'ai dit, sortis du bois. Mais pourtant, le président Bettencourt l'a semblé vraiment vouloir la paix, si je vous ai bien écouté. Certes, mais il va devoir céder aux éléments les plus durs de son parti. Alors c'est un véritable massacre qui commence. Les élus de l'Union patriotique sont abattus les uns après les autres. S'y ajoutent des cadres et de simples militants. On estime à 3000 le nombre de meurtres qui sont alors commis entre 1985 et 1994. Et qui sont les assassins alors ? Des membres de l'armée auxquels se sont joints vraisemblablement des paramilitaires. Mais les vrais assassins, les commanditaires je veux dire, appartenaient au premier cercle du pouvoir. Et comme si cette extermination ne suffisait pas, les survivants de l'Union patriotique ont vu nier leurs droits politiques et ont donc été privés de représentation légale. Enfin bon, inutile de vous dire que la peur a entraîné de nombreux déplacements de population et par conséquent des malheurs supplémentaires. Et comment les FARC réagissent-elles après ces massacres ? D'abord, elles essaient de faire l'unité avec les autres guérillas. Puis un peu partout sur le territoire colombien, elles se livrent à de sanglantes attaques contre des unités de l'armée. C'est non reparti. Le cercle répression-violence, oui. Mais dans votre récit, là, vous semblez minimiser la responsabilité des FARC. Pas du tout, mais j'essaie de rester objectif. Il faut bien reconnaître qu'au cours de ces années 80, ce ne sont pas les FARC qui ont relancé le processus de la violence, même si elles n'ont jamais renié l'action armée. Admettons. Et ensuite ? Les guérilleros subissent un second mauvais coup. Grâce aux informations fournies par un indicateur, l'armée investit leur QG où se tient une réunion des principaux chefs. Une partie de la direction des FARC est liquidée. Mais pas Marulanda. Non, lui, il est indestructible. À cette dernière action, les FARC répondent bien entendu à leur façon. Désormais bien armés, grâce à l'argent de la drogue et également aux rançons versées par les otages ou leurs proches, les FARC ont la possibilité de déclencher des actions d'envergure. Les guerrieros peuvent ainsi se permettre d'attaquer des bases militaires et même s'en prendre avec succès à des unités d'élite de l'armée. Mmh. Alors, c'est peut-être le moment de parler de ces enlèvements qui servent à financer en partie les FARC. Hein. Pour les chefs de la guérilla, il existe deux sortes d'otages. Il y a d'abord le menu fretin, des gens uniquement enlevés afin d'obtenir une rançon. Et puis, il y a le haut du panier, des hommes politiques, des militaires, des hauts fonctionnaires, et même trois Américains, des otages échangeables. Hein. Et Ingrid Bettencourt se range dans cette catégorie. Bah, bien évidemment. Ouais. Mais échangeable contre qui, alors? Bah, contre des guérilleros capturés par les forces colombiennes. On en compte à peu près 4000 dans les prisons du pays, tous accusés de rébellion. Et les FARC, elles détiennent combien d'otages? Oh, bon an, mal an, plus d'un millier. Mais ceux de la deuxième catégorie sont tout au plus une petite soixantaine. Et contre leur libération, les FARC exigent l'élargissement de 500 guérilleros. Ce que le pouvoir refuse. Hein. Oui, j'ajoute que ces dernières années, le nombre d'enlèvements a diminué. Oh, sans doute à cause de la politique sécuritaire mise en place par le président Uribe. Mais aussi parce que les FARC se sont repliés sur un territoire plus petit. Et puis, garder un millier d'otages, ça demande une infrastructure considérable. Et la mobilisation de nombreux combattants. Et combattantes d'ailleurs. Car ce sont souvent les femmes qui sont affectées à la garde des otages. Et à propos de femmes, un mot sur l'une des figures de l'organisation, Karina. Engagée dans les FARC depuis 30 ans, elle est marquée par les combats, jusque dans sa chair, car aujourd'hui, elle est borgne et manchotte. Ce qui ne l'empêche nullement de commander l'unité la plus performante de la guérilla, la 47e armée. Et autant vous dire que cette Karina est activement recherchée. Entre la proposition de paix là, de Bettencourt, sabotée par ses propres amis, hein, si je vous ai bien entendu, puis le sanglant raidissement qui lui a succédé, est-ce que le balancier repart de l'autre côté? Oui, en 1999, à l'initiative du nouveau président colombien, Andrés Pastrana, il décide de satisfaire l'une des principales revendications des FARC avant d'ouvrir toute négociation, la démilitarisation d'une zone grande comme la Suisse, un îlot qui, aux yeux des guerrilleros, pourrait être une sorte de laboratoire de la paix. En tout cas, l'initiative de Pastrana est spectaculaire. C'est juste. Mais la réponse des FARC, et particulièrement celle de Marulanda, n'est pas à la hauteur de l'audace du président colombien. Et pourquoi? Sans doute parce que l'expérience désastreuse de l'Union patriotique a laissé de mauvais souvenirs. Et les FARC ont peur de tomber dans un nouveau piège? C'est probable. Quoi qu'il en soit, au cours d'une première réunion qui se tient dans cette zone démilitarisée, Marulanda pratique la politique de la chaise vide et laisse un de ses commandants lire un texte. C'est effectivement peu chaleureux. Ben, pourtant, contre toute attente, les deux hommes, Marulanda et le président, finiront par se rencontrer en 2001 et il ressortira de cet entretien quelques échanges de prisonniers. Le chaud et le froid. Et ça va continuer ainsi jusqu'à la fin du mandat de Pastrana et malgré l'intervention de plusieurs émissaires étrangers qui veulent aboutir à la paix. Et juste avant que le président ne quitte le pouvoir, la situation se tend encore un peu plus. Ça commence par l'enlèvement d'un sénateur, puis le détournement d'un avion commercial. Conséquence immédiate, les négociations entre les FARC et le pouvoir sont rompues. Et Pastrana donne l'ordre à l'armée de reprendre le territoire concédé aux guerrilleros. Trois jours plus tard, le 24 février 2002, c'est la capture d'Ingrid Bettencourt. Et c'est Alvaro Uribe, un homme pas très commode, qui est élu à la présidence. Et qui a de bonnes raisons d'en vouloir aux FARC, qu'elles ont assassiné son père 20 ans auparavant. Ouais. Et lui, alors, pour cette raison ou pour une autre, il refuse tout dialogue. Hein. Alors, ne peut-on pas penser que les FARC ont sciemment choisi la politique du pire? C'est en effet la question qu'il faut se poser. Car à l'évidence, les FARC n'ont pas su exploiter l'ouverture politique exceptionnelle que leur offrait Pastrana. Ce qui poussera même certains de leurs sympathisants à rejoindre le camp d'Uribe. Par déception. Certainement. C'est pourquoi, à mon humble avis, on se trouve aujourd'hui dans une impasse politique. D'un côté, il y a le président Uribe, qui demeure très populaire, et qui a été confortablement réélu en 2006. Mais un président qui est soupçonné de faire la part belle aux paramilitaires. Parce qu'il en a besoin. Et puis aussi parce qu'il est peut-être victime d'un chantage de la part de ses extrémistes. Mais pourquoi? Uribe est originaire de Medellín. Et l'un de ses amis d'enfance s'appelait Fabio Ochoa, un narcotrafiquant chef de l'une des familles les plus influentes du cartel de Medellín. Et vous, alors, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas de preuves, mais il y a des rumeurs à Bogota, ce qui expliquerait sa collusion avec les paramilitaires. Et puis, il y a les Américains. Ils contribuent puissamment à la lutte contre le trafic de drogue. Mais les moyens exceptionnels qu'ils déploient et les sommes fantastiques qu'ils y consacrent camouflent aussi une lutte contre la guérilla des FARC. Un combat qui n'est pas vraiment clair. Pourquoi alors? Bah, parce qu'il existe tout à côté un certain Hugo Chavez. Ah, oui, le leader, le président du Venezuela. Oui, leur bête noire dans la région, à part Castro, bien sûr. Et les États-Unis rêvent de pouvoir impliquer Chavez dans cette affaire. C'est-à-dire? Chavez qui serait à la fois un complice des FARC et qui abriterait même des guérilleros chez lui à la frontière. Et qui en outre profiterait largement du trafic de drogue dont l'une des filières passerait par le Venezuela. Alors, une nouvelle fois, votre avis? Bah, franchement, il existe au moins des connivences idéologiques entre le président du Venezuela et les FARC. Ça, personne ne peut le nier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on lui a demandé de jouer brièvement un rôle de médiateur dans la libération des otages. Pour le reste, je me méfie. Songez que, tout récemment, un journal espagnol l'a même prétendu qu'Ingrid Betancourt était en réalité détenue au Venezuela. Et ça, ça ressemble purement et simplement à de la désinformation inspirée par un service secret, colombien ou peut-être même états-unien. Ouais. Mais voyez-vous une issue alors dans cette affaire des otages ? Uribe, le président colombien, semble assez imprévisible. Il est donc possible qu'il cède à la pression de l'opinion internationale en faisant la petite concession qui permettra la libération d'Ingrid Betancourt et d'autres otages politiques. Mais j'ai des doutes. Alors pourquoi ? Parce que les adversaires ont besoin l'un de l'autre. Uribe, qui argue de son juste combat contre les FARC pour mener une politique de plus en plus autoritaire et qui fait fi des droits de l'homme, mais lui assure l'appui indéfectible de Washington. Et les FARC, parce que si cette guérilla ossifiée a perdu tout espoir de prendre un jour le pouvoir, elle n'en continue pas moins à vivre dans le seul but de se perpétuer et d'amasser les gains du trafic de drogue. Elle roule donc à vide, mais elle est pour l'instant inexpugnable et garde un formidable pouvoir de nuisance. Nous reviendrons bientôt en Colombie. Monsieur X m'a promis de me parler de ces paramilitaires qui jouent un rôle si important dans le pays. En attendant, à samedi prochain, deux recommandations quand même. D'abord, le numéro de la revue Hérodote de l'automne 2006, où figure un article très complet de Daniel Pecot sur les FARC. Et ensuite, la récente série de Daniel Mermet dans Là-bas, si j'y suis, que vous pourrez retrouver sur franceinter.com. Merci à Michel Billou, Rebecca Donante, Monsieur Joub et à François Cardona pour sa précieuse collaboration. Tout de suite après le flash, un peu d'air vif avec CO2 Mon Amour de Denis Chessou.